Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices, bonjour. Et maintenant un peu de poésie. Macrocyon, par Myriam David. Des routes parallèles qui tournent en rond. Chacun sa route. Chacun son chemin. Chacun creuse son sillon. Parallèle à celui du voisin. Chacun son côté, chacun sa trace, sa traînée de boue, à chacun sa place, pour la guerre de tranchées, sur l'une ou l'autre face, on suit les mêmes sentiers, usés, on tourne vers l'impasse, on rejoue les mêmes airs, sur la marche funèbre, à chacun son ornière, pour la même chanson, chacun sa route, chacun son chemin, chacun le même destin. Tout le monde tourne en rond, sur le macrocyon. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.